C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. Faire du stop en Grèce, c'est mal vu avec votre pouce. Il ne faut pas faire du stop comme ça. C'est ça. Vous arrêtez, vous mettez devant la voiture. En Grèce, faut... Mais donc, quand un grec like notre page, ça veut dire. Il braque un McDonald's et tombe sur 11 membres des forces du GIGN. Pas de bol. Ils font leur braquage. Il y en a qui paraît claquer. Ils tombent à plat ventre. Donc là, ils le ramassent par le col de la chemise. Et l'autre, ils ont juste tiré une balle dans l'abdomen. Ah ouais. Mais à 11, ils auraient pu faire plus de dégâts quand même. Une balle dans l'abdomen, ça fait toujours moins de dégâts qu'un cheeseburger. J'ai rien compris et j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Mais Koun, qu'est-ce que tu voulais faire? J'aurais voulu être un gréviste pour pouvoir faire des calicots. Et pendant ce temps-là, inondation aux quatre coins du royaume. Après les nuits debout. Les coulées debout. Hé hey Charlie, maintenant que t'as viré Jacqueline, je parie que t'es pas capable de mettre les cheminots dans la rue. Tu rigoles ou quoi? J'ai qu'à claquer des doigts et les trains s'arrêtent. D'ailleurs, même quand je claque pas les doigts, ils s'arrêtent quand même. La première. 16h, 17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. On se demande depuis quelques jours quelle mouche a bien pu piquer l'actualité. Certainement la Drapetis bruxellensis, hein, c'est le nom de la toute nouvelle espèce de mouche qui a été découverte à Bruxelles. Elle en rejoint une autre, hein, la FGT bis communis. Mouche très très rouge, hein, qui se rassemble en masse à différents moments de l'année. On l'a surnommée la mouche à gamin de merde. D'après certains, elle vivrait en symbiose avec un papillon de la région montoise. Ensemble, ils pourraient donner naissance au gouvernail Michaelus degagis, une toute nouvelle sorte d'éphémère. Mais d'après les experts, c'est pas de mal abeille. Jusqu'à 17h30, ce n'est pas la mouche, hein, mais le temps qu'ils vont prendre, rien que pour en vous, pour jeter des coups de pied dans la fourmilière, faire tiquer les méchants, prendre le pouls de l'actualité, pour vous mettre la puce à l'oreille. Ils sont là, ils sont présents, avec de l'impertinence au programme sur la première, où ils sont presque sérieux. À commencer par celui qui est fan d'apiculture. Oui, il nous fait goûter aux bonnes nouvelles, bien mielleuses. C'est Jean-Jacques Jespers. Bonjour Jean-Jacques. Quel talent. Ah, écoutez, c'est vous le talent. C'est vous le talent. Tiens. Non, ne vous battez pas. Son nom scientifique, le polonium ethylicus, ne vous dit sans doute rien. D'après les spécialistes de l'apicole, on le reconnaît facilement au fait qu'il est très proche du bourbon. Edgar Schott, bonjour. Bonjour, mais l'apiculture, c'est les abeilles, pas les mouches. Bah écoutez, l'apicole. Commencez pas à faire le spécialiste. Mieux, hein. Ça que la pécole. Tiens, comme oui, ça grouille d'idées parmi les asticots, il lui suffit d'aller à la pêche. Et le mercredi, c'est lui qui s'y colle. C'est David Watley. Bonjour David. Bonjour Walid. Petit à petit, il a fait son trou dans le milieu du mythe. C'est Vincent Flibustier. Bonjour. Bonjour Walid. Cet été, plein de chats au barbecue. Il ne saura plus à quel essaim se vouer. C'est Raoul Reyers. Bonjour. Vous savez quoi? Dites-moi. Je suis tarte au riz. On en parlera aujourd'hui. Tiens, c'est la chenille ouvrière de cette émission. L'embrasse au passage, c'est lui qui a préparé cette émission pour vous, Clément Delpouve, et lui, c'est notre berce-oreille. Oui, à la réalisation, Vincent Van Der Venet, vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font et c'est nous qui en rayons. Merci à vous d'être sur la première et d'être comme nos chroniqueurs du jour, presque sérieux. C'est presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première. Au menu, au programme de 7h30 de l'impertinence de l'actualité, et nous reviendrons sur les Diables Rouges. Oui, avec vous, David Watley, on va rêver, on parlera du journal des bonnes nouvelles, avec d'autres rêves, signé Jean-Jacques Jespers, et une tartorie verviétoise. Et ce sera au menu également avec Edgar Schotz, et Vincent Flibustier nous racontera des histoires, le petit top 3 de Raoul Reyers, et des cadeaux que nous allons vous offrir. Il suffit de vous inscrire sans plus attendre, alors que le soleil fait son retour, alors que tout le monde éponge, tout le monde passe la raclette, tout le monde droit à appeler son assureur, qui sont débordés les assureurs. Alors, notre avantage, c'est qu'on a une éponge dans l'équipe. C'est une blague. C'est vrai. Tiens, en parlant de rivières qui débordent, c'est maintenant, c'est vrai, les assureurs qui sont débordés. Hein, ils vont travailler. Et nous vous invitons à repartir avec des cadeaux en participant avec nous au Qui a dit. Nous vous offrons aujourd'hui, eh bien, un jeu. Et quel jeu? Seven Wonders Duel de chez Repo Productions. C'est le moment de jouer avec nous. Trois lettres, CPS, pour C'est presque sérieux, au 6031 70. 65 centimes le message, nom, prénom et adresse. Vous viendrez jouer avec nous au Qui a dit. Nous vous ferons des propositions dans quelques minutes et une phrase que je vous propose sans plus attendre. Il ne faut pas décourager les gens qui se sentent imparfaits. Qui aurait pu prononcer cette phrase? À vous de nous le dire. C'est dans l'actu du jour. On fera des propositions et vous repartirez avec des cadeaux dans la joie et dans la bonne humeur. Justement, cette émission commence plutôt bien et la une du jour, la voici. Deux extraits musicaux pour relater les faits du jour marquants qui ont donc fait l'actualité de ce mercredi. Écoutez attentivement les deux morceaux que voici. Dans la mer couverte. Benjamin Biolay dans la Merco Benz, hein, reprise bien entendu d'NTM, hein, dans ma Benz Benz Benz. Et de l'autre côté, Lou Depreyck avec Command Belgium. C'est avec Benjamin Biolay que nous entamons cette émission. À votre avis, à quelle actualité ce morceau fait-il référence? Bah, la tartorie. La Biolay, Biolay. Ah, il y a une rue Biolay à Verviers. Ah, oui, oui, oui. C'est de un Biolay. Grand industriel laigné, Biolay. Ah, ouais. Eh bien, non, ce n'est pas Riolet. Non, ce n'est pas Riolet. Mais dans la Merco Benz, voilà, c'est loin, loin de l'actualité. Vraiment, on ne peut pas vous mettre. C'est allemand. C'est pas allemand, non. C'est en Belgique que ça se passe. C'est problème de taxation, de marché d'anciennes voitures, non. Alors, quand vous avez une Merco. On a de l'Erco, c'est ça. On a une fille. Et vous pouvez même en avoir deux. Oui. Donc vous avez, si on en a vous avez deux, on est bouché. Alors. Ou dentiste. Ou flamand. Ou chirurgien. Chirurgien, non. Ou concessionnaire. Ou directeur à la RTBF. Non, ou pensez à l'humoriste qui était l'invité de Bertrand Haine ce matin. Alors, ah oui, oui, oui, oui, secrétaire d'État à la fraude sociale. La fraude sociale. Oui, et donc, ça veut dire que vous pouvez rouler en Mercedes aussi si... Si vous êtes fraudeur au CPS, les CPS qui doivent dénoncer les fraudeurs. Oui, il a dit, si vous le secrétaire devant le CPS, voilà. C'est qu'il y a quelque chose. Et effectivement, le secrétaire d'État à la lutte contre la fraude sociale, Philippe de Backer, veut inciter le CPS à dénoncer les bénéficiaires d'une allocation sociale qui travaillent en noir. C'est ce qu'il a annoncé dans les colonnes du quotidien Last News et sur les ondes de la Première. Souvenez-vous, c'était ce matin. Mais s'il y a des choses qui détectent, s'il y a une visite, mais en même temps, on voit qu'il y a deux Mercedes juste devant la porte, là, comment la CPS doit aussi prendre son responsabilité et intégrer dans le dossier pour la lutte contre la fraude sociale. Eh ben voilà, c'était ce matin. Mais il s'appelait Bart ou Philippe, finalement? Non, ouais, c'est Philippe, parce qu'effectivement, Mehdi avait fourché. Ce qui l'énerve, c'est que lui aussi a une Mercedes. Ah, hein. Bah on va faire des contrôles, hein, pas de soucis. Tiens, en Corée du Sud, vous savez que ça peut rapporter gros. Mais pour quelle raison ça peut rapporter gros pour les gens comme vous et moi? Vincent en avait parlé il y a très longtemps. Ah oui, oui. Eh ben, en fait, en Corée du Sud, c'est des vrais malades mentaux. En fait, on peut dénoncer son voisin ou n'importe qui qu'on croise dans la rue pour n'importe quelle infraction, genre jeter un mégot par terre, on le filme, on le rapporte aux autorités et on touche une prime. Et 20 du coup, euros, les gens sont complètement friqués partout et par tout le monde. Il y a des gens qui vivent que de ça, juste avec une dash cam dans leur voiture et qui passent leur journée à rouler pour voir des infractions. Genre, oh, un feu rouge dépassé, c'est un vrai métier, effectivement. Il y a en tout 336 infractions qui donneraient droit à une prime, dont certaines peuvent rapporter des milliers d'euros. La corruption, la fraude fiscale, Vincent le disait, une photographie d'un passant jetant son mégot dans la rue. Et là, paf, l'État vous offre 20 euros. Vous savez qu'il y a la même chose en Grande-Bretagne. C'est le pays qui est le plus vidéosurveillé au monde. Ah et oui, ils ont beaucoup trop de caméras de vidéosurveillance et pas assez de gens pour les regarder. Donc il y a des chaînes de télé qui passent en continu les images de vidéosurveillance. Et donc les gens peuvent regarder. S'ils voient un crime, ils le dénoncent. Et ce qui est génial, c'est qu'ils mettent des haut-parleurs à côté. Dis-toi, comment ça fait ton mégot de cigarette? Mais ils le disent pas comme ça, ils le disent avec un accent. Dis-toi, tonton. Un véritable business, bien entendu. Deuxième extrait, deuxième actualité. Écoutons ce morceau qui rentrera dans l'histoire de la musique. C'est les Diables, évidemment. Lou Depreyck avec Command Belgium. Alors, vous dites les Diables. Je peux pas, non? Eh ben non. Ben non. Non, mais ça se passe en Belgique. Si je peux faire une petite parenthèse. Dites-nous. Au moins, ici, on sent que c'est Louis qui change. Alors, à votre avis, on parle de Belgique. Command Belgium, parliez d'abord aux questions de football. Les questions de football. Ah, ou une campagne d'information pour utiliser le football comme vecteur pour relancer la Belgique, non? Absolument pas. Vous avez lu une information en rapport avec le football et la Belgique. et pas la Belgique. L'Union belge et la Ligue Pro perquisitionnée. Effectivement, bien joué Jean-Jacques Espers. Une enquête ouverte pour soupçon d'infraction fiscale à charge évidemment de la Pro League. Le parquet qui a effectué une perquisition et une mini-instruction chez un huissier de justice et à la suite des informations parues dans le Tay et l'Écho, eh bien, le parquet de Bruxelles a confirmé hier qu'une information judiciaire avait été ouverte à charge de la Pro League pour des soupçons d'infraction fiscale. En mars 2015, l'inspection spéciale des impôts a en effet dénoncé au parquet de Bruxelles des irrégularités fiscales qui auraient été commises par la Pro League. Allez, fausse facture. Tiens, en parlant de frauder le fisc, d'où vient et pourquoi appelle-t-on le reblochon le reblochon? Est-ce que vous savez? Alors là, le lien me paraît énorme. Oui, eh bien, je vais vous l'expliquer. Est-ce que c'est pas une taxe qu'on devait payer à une époque au Moyen Âge ou quoi? Ouais. Un reblochon et... Non, on n'est pas très loin. C'est une vraie fraude. Le nom reblochon tire son nom d'une fraude fiscale. C'était la part du fromage qu'on planquait. Enfin, c'était le lait qu'on planquait et on en faisait un fromage. Pas ça? C'est ça. C'est plus ou moins on ça. On n'a pas payé d'impôt sur le lait. Alors, à l'époque, il y a bien longtemps, dans la vallée des Taux, dans Haute-Savoie, au XIIIe siècle, les paysans avaient mis au point une petite ruse efficace pour frauder le fisc à l'époque. Eh ouais, déjà, ça existait. Déjà, à l'époque, on avait nos... Des Mercedes. Alors, et ceux qui louaient leur terre à un propriétaire, moine ou noble, les rémunéraient en leur livrant une partie de la production de leur troupeau, le droit de siège. Et le paysan blochait, ce qui signifiait traire. Blocher signifie traire en patois savoyard. Ils blochaient donc leur vache une première fois. Et c'est sur cette première bloche qu'était calculé l'impôt. Une première bloche bien incomplète, puisque la nuit tombée, eh bien, le collecteur venait reblocher, effectivement, afin de récupérer le lait méticuleusement laissé la première fois. Une traite qui n'était pas déclarée. Aucun impôt n'était dû. Et au-delà de cette économie non négligeable, eh bien, le lait offrait des vertus. Il était plus crémeux, plus abondant, plus riche. Et en l'absence de moyens de conservation efficaces, les paysans faisaient du fromage, le fameux reblochon. Et ils ne se faisaient pas piquer par l'odeur. Ça, faut retourner à l'époque, hein, monsieur. Voilà, monsieur Reyers, merci. Avec le herve, vous imaginez avec le herve si ça se... Hein, on pourrait aller faire le re-herve. Ils le planquaient sous leur matelas. Ah, le re-herve. Le herve, c'est la même chose, sauf qu'il ne trayait pas à la nuit tombée, mais 2 mois plus tard. Oui, ça sentait ça déjà. Sentait tout seul. Ouais. C'est clair. Bon, Vincent Flibustier, il y a Jean-Jacques Jesper, s'il y a Raoul Reyers, s'il y a Edgar Schotz, et il y a David Watley qui, dans un instant, nous fera rêver avec les Diables Rouges. C'est au menu. Vous c'est pas sûr. Promenez votre c'est micro à gauche, à droite dans les écoles et vous avez retenu pour nous la crème de la crème et on s'y intéressera dans un instant. Le temps pour moi de vous rappeler de vous inscrire. Vous repartirez avec un cadeau et pas des moindres. Hein. On vous offre aujourd'hui un coffret Seven Wonders Duel de chez Repo Productions. Si le monde dans lequel nous vivons ne vous fait plus du tout rire, et bien construisez votre propre civilisation. Venez jouer avec nous. C'est le moment de participer au Qui a dit. Vous envoyez CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Une phrase et des propositions qui vous seront faites dans un instant. Il ne faut pas décourager les gens qui se sentent imparfaits. Qui aurait pu prononcer cette phrase? Eh bien, réponse dans quelques instants sur la première. Et comme promis dans la suite, vive les Diables Rouges! Dario, c'est vraiment l'attaque qui a fait la différence ce soir. Ce soir, c'est vraiment l'attaque qui a fait la différence. Beaucoup de longs ballons depuis derrière la défense. Beaucoup de longs ballons. Votre grand-mère a 3 cochons. Ma grand-mère a 3 cochons. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Très belle fin d'après-midi à l'écoute de la première. Oui, nous sommes presque sérieux de l'actu, de l'info. Et ça y est, dernière ligne droite avant l'Euro de football en France. Pour les enfants qui aiment le ballon, bien c'est l'occasion de rêver avec leur Diable Rouge, n'est-ce pas David Watley? Oui, mais ce n'est pas gagné. On rêve, mais les enfants restent lucides. Remporter l'Euro, ça ne se fait pas en 2 passements de jambes. Mark Wilmots a beau faire parler les pieds, c'est pas non plus David Copperfield. Et puis, toute la Belgique n'est pas derrière les Diables. La preuve dans cette classe. Dis, tu vas supporter qui toi Jordan? L'Italie. L'Angleterre. Cette année, je vais supporter l'Espagne. Les Italiens. La France. Les Diables Rouges. Ah, enfin ! Alors, cher étudiant en journalisme, conseil numéro 1. Si tu veux un son bien patriotique, un truc qui remonte le moral des troupes, tu évites de descendre dans une classe où il y a 19 nationalités différentes. Et c'est vrai, sinon tu te ramasses. Pourtant, les Diables Rouges, hein, sur le papier, ça fait vendre. C'est mieux qu'une fille à moitié nue pour une voiture. Ces gars-là, ils arriveraient à convaincre un végétarien de se faire un méchoui au petit déjeuner. Plus fort que Raoul pour relancer les ventes de plancha. Ils sont partout nos Diables. C'est même un petit peu too much. faudrait que j'ai ça dans mon salon, partout, dans ma chambre. J'en ai marre de les voir, leur tête. On les voit beaucoup sur les bacs de bière, mais est-ce que t'as l'impression qu'ils boivent beaucoup de bière? C'est des joueurs de foot, ils ne vont pas être sous aller jouer un match, quoi. Ça, c'est ce que mon fils m'a dit. Papa, je comprends pas. Moi, un peu. Pourquoi les Diables Rouges, ils font de la pub pour la bière? Alors que c'est du sport, ça doit être sain. Ils m'ont à peu près dit tous la même chose. Voilà. Ouais. Ah, voilà. D'ailleurs, les Diables, ils sont tellement balèzes que certains espèrent beaucoup d'eux. Prenons l'exemple de Charles Michel. Il se dit, si les Diables gagnent, tous mes problèmes vont s'envoler. Le pays deviendra riche comme le Brabant Wallon. On vendra n'importe quel fermé de quatre façades au centre de Charleroi pour 600 000 euros. Enfin, ça, c'est le plan de départ. Mais les enfants, eux, ils n'y croient pas une seconde. Ils sont pas magiciens, les joueurs de foot, ils vont pas arrêter la pluie, ils vont pas faire arrêter les grèves. J'ai l'impression que tous ceux qui font grève, c'est juste pour regarder le match. Charles-Michel, ils sont tellement la loose que même si on gagne la Coupe d'Europe, ben lui, il aura encore des ennuis. Ah ouais. Charles-Michel sent tellement la loose, hein, je le répète, hein, pour ceux qui n'ont pas bien compris. Je sais que ce que vous êtes en train de vous dire, hein, dites donc, ces gamins ne supportent pas nos Diables Rouges. Mais en fait, je crois que c'est pas ça. En fait, les enfants, ils ont un gros souci d'agenda avec l'euro. Le gros problème de l'euro, c'est que ça commence pendant les examens. Alors nous, on peut même pas regarder les matchs, on est obligé d'étudier. S'ils gagnent l'euro 2016, tout le monde va être content. Mais il y en a qui seront pas contents parce que leurs enfants, ils auront pas étudié, ils auront raté les examens et tout ça. Et puis il faut gérer les parents après, hein. Papa surtout. Ouais, quand papa regarde le foot, c'est vraiment pénible parce que à chaque fois, Lara va me chercher ça, Lara va, Naël, va, Liam, c'est à chaque fois, il reste dans le foot, hein, quand il ne peut plus. Quoi. À mon avis, pour l'euro, ma mère, elle va être énervée hein, parce que. Elle va quitter mon père. Parce qu'elle, elle n'aime pas le foot, elle préfère regarder des séries AB3. Oh la pauvre. Des séries AB3. Et ça fait des beaux mélanges. Cet homme a un enfant par télévision. Mais bon, dans cette classe, on rêve secrètement que la Belgique remporte l'euro. Vous savez pourquoi? Parce que leur maîtresse leur a promis de se teindre les cheveux en rouge en cas de victoire. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. C'est fini. Ah. Moi, j'attendais encore un extrait sur Fellaini, tu vois, se teindre les cheveux comme Fellaini. Parce que finalement, si les Diables ne gagnent pas, la seule coupe qu'ils pourraient soulever, c'est celle de Fellaini hein, avec sa nouvelle teinture. Oui, Raoul. Le gamin qui a dit que son père qu'il parlait de la loose de Charles Michel, son père va ramasser un contrôle fiscal. Ah, c'est pas bon dans un instant. Le qui a dit, je vous rappelle cette phrase, il ne faut pas décourager les gens qui se sentent imparfaits, qui auraient pu prononcer cette phrase, et bien répond juste derrière les infos de 16h30. Mais avant cela, voici le top 3 de Raoul Reyers. Hey, Raoul, ça fait du bien. Bon, Raoul, en numéro 3. Se marier au stade par amour du foot, justement, on en parlait. Il y en a même qui poussent le vice à se marier au stade de Charleroi. Eh bien, la ville de Charleroi va étudier le projet. Vous imaginez, Kevin Delcouillet, acceptez-vous de prendre Jessica Van Spiegeler pour épouse? Ah bah ouais, un petit gelé, mais... Jessica Van Spiegeler, acceptez-vous de prendre Kevin Delcouillet pour époux? Ah bah ouais, sinon je ne serais pas venu. Je vous déclare unis par le lien du mariage, pour le meilleur et surtout pour le pire. Et maintenant, vous pouvez faire l'échange des ballons. Vous savez qu'il y a pire, hein. Il y a au McDo. Pire. Non, si. Je vous jure, j'ai vu un mariage au McDo. Ah, mais ça, c'est pour la fête. Non, j'ai vu des gens qui rêvaient de se marier au McDo et qui ont réussi à se marier au McDo. On peut se marier à Disney World maintenant, si je pense. On peut se marier partout. Je crois qu'en Chine, ils se marient beaucoup au McDo parce qu'ils ont eu un moment McDo qui a fait une grande campagne de pub autour de ça. Tout comme les Japonais vont beaucoup chez KFC pour Noël. Ils passent Noël chez KFC parce que KFC a réussi à rendre ça populaire. Voilà la pub. Numéro 2, Raoul. Au Mexique, de l'urine pour chauffer sa douche et son repas. Combien d'urine se perd au cours des années? C'est vrai. Faut toujours un petit trait de l'urine. On sent que ça travaille Raoul, ce coup d'urine. Mais non, écoutez, c'est du gay savoir. La fameuse poche. Problème de prostate. La fameuse poche. Videz vos poches. Oui, mais laquelle? Soyez un peu sérieux, c'est de la bonne information. Un adulte produit 1,4 litre d'urine par jour, soit 25 550 litres en 50 ans. Moi, je crois que je suis à 30 000. Non, mais le gars... Et il chauffe tout avec... Bah, si on s'arrêtait là, on passait directement à la numéro 1. Parce qu'on a déjà la vision, c'est déjà pas mal. En numéro 1. Ouais, écoutez, numéro 1. Le titre du jour qu'il fallait presque lire, Raoul. Alors, petit guide, nom imprononçable à l'Euro 2016. Oh, c'était mon mot de la fin. C'est vrai? C'est pas mais grave, oui, vous le ressortirez. Allez-y. Oui, je t'en laisserai quelques-uns. Allez-y. Alors, par exemple, comment prononce-t-on? Enfin, le plus dur, je Shots. Pense. Non, c'est. Les joueurs polonais, ça va être dur. Wojciech. Wojciech. Chnesny. Chnesny, je sais pas, mais c'est Wojciech, normalement. C'est pas difficile, c'est S-Z-C-Z-E-S-N-Y. Chnesny. Pourquoi mettre autant de lettres si c'est pas Wojciech? Il y en a plein comme ça. C'est vrai qu'il y a eu. Vous savez que même ici, au sein de la RTBF, il y a eu, durant, je crois, 2 heures, une formation pour prononcer correctement les noms des joueurs de foot à l'attention des journalistes sportifs. Ah, monsieur, c'est de la rigueur. On ne rigole pas avec le foot. On ne badine pas avec la prononciation des noms. Pour les anglophones, il y a aussi la prononciation des joueurs belges. Le nouveau Thibaut secrétaire Courtois. Général de l'ONU, on s'en fout. Les joueurs de foot, pas déconner. Thibaut Courtois, c'est Courtois. Ouais. Simon Mignolet, Mignolet. C'est formidable. Ça, c'était votre numéro 1, donc. Oui, le numéro, mon préféré, attendez, parce qu'il faut, c'est... On a tout le temps, Raoul. Vrjlashko. Je vous donne la lettre. Et puis, est-ce que vous avez des voyelles au moins? Alors, V-R-S-J-A-L-K-O. Et dans, la suite, Raoul Reyers, merci pour merci ce petit top 3. Je vous en prie. Mais faites-vous plaisir, la prononciation. Ben on vérifiera d'ailleurs durant cet Euro qui démarre vendredi. Les Belges qui jouent lundi. Ah, ça va être une belle été qui s'annonce. Hein. Bon, oui, on va devoir supporter les diables. Ah, ouais, parce que, comme vous le savez, supporter est une erreur. Il faut dire soutenir et pas supporter. Voilà, on va devoir soutenir les diables. Merci pour ce petit échange. Essayez de les supporter. Et dans la suite, on s'informe à 16h. Il sera 16h32. 16h43. Oui, il sera 16h32. Et on joue également avec l'une d'entre vous. Il ne faut pas décourager les gens qui se sentent imparfaits. C'est le qui a dit du jour. Vous repartez avec des cadeaux. Nous vous offrons un très chouette jeu de société aux couleurs de notre partenaire Repos Productions. C'est Seventh Wonder World Duel. Vous aimez bien? Eh bien, n'hésitez pas, vous vous inscrivez en envoyant CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On marque une pause et on revient à 16h33 maintenant pour vous informer. A tout de suite. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Et nous allons nous amuser avec l'actualité, c'est le principe de cette émission, rire, se divertir, apprendre, impertinence également au menu de 7h30 durant tous les jours de la semaine sur la première, du lundi au dimanche, avec du côté d'Arlon un certain Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous allez bien Emmanuel? Oui, ça va très bien. Vous faites quoi dans la vie? Dites-moi tout. Je suis ingénieur. Je note. Ingénieur, vous habitez Arlon ou près d'Arlon? Parce qu'on m'a dit il habite près d'Arlon. Près d'Arlon, oui. À gauche ou à droite? Oui, c'est-à-dire où c'est exactement près d'Arlon? J'habite à Tatigny, en fait. Un petit village. C'est magnifique. En Gaume. Alors, il peut nous en parler durant des heures, Jean-Jacques Jespers. Tatigny. Oui, Tatigny, formidable. Oui. C'est pas très loin de journal d'ailleurs ça. Ouais, Tatigny. On va s'intéresser à l'info du jour avec vous, mon cher Emmanuel. En tout cas, une phrase extraite d'un quotidien, une personnalité, une personne du quotidien qui aurait pu la prononcer cette phrase. Et des propositions que nous allons vous faire pour vous permettre de repartir avec Seven Wonders Duel de chez Repos Productions. Vous êtes inscrit et c'est bien gagné. Ou presque. À vous déterminer qui, parmi nos chroniqueurs du jour, a la bonne réponse. C'est parti, la phrase du jour, la voici. Il ne faut pas décourager les gens qui se sentent imparfaits. Qui aurait pu prononcer cette phrase? Raoul Reyers. Il ne faut pas décourager les gens qui se sentent imparfaits et c'est pour cela que nous laissons Koen Gaines continuer sa mission. Tiki-tiki. A rajouté Charles Michel. Charles Michel. Oui. Charles Michel. Vincent Flibustier, il ne faut pas décourager les gens qui se sentent imparfaits. Eh bien, c'est Franck Ribéry qui a expliqué que lui se sentait plutôt infinitif, parce que c'était plus facile. C'est bien, Franck Ribéry, c'est un caddie par jour. Un jour, ça sera vraiment lui qui l'aura dit. Hein. Ah ben, j'espère qu'un jour, il sera piégé. Oui, sauf qu'on le saura tout de suite. au niveau de la syntaxe, bien sûr. Alors, on va poser la même question à Jean-Jacques Jespers. S'il ne faut pas décourager les gens qui se sentent imparfaits. Eh bien, dans un moment de grande lucidité et de crise narcissique, c'est Nabila qui a dit ça. Ah, elle aussi. Mmh. David Watley, il ne faut pas décourager les gens qui se sentent imparfaits. C'est le chanteur Jean-Louis Murat, à l'occasion de la sortie de son nouveau disque, Jean-Louis Murat, qui fait malheureusement plus parler de lui à travers ses déclarations qu'à travers sa musique. Et enfin, Edgar Schotz. C'est pas du tout ça, c'est Roberto Galland, l'époux de Jacqueline, qui est un peu fatigué depuis le retour de Madame à la maison. Roberto Galland. Eh bien voici les propositions, et je vous les rappelle, mon cher Emmanuel, Charles Michel, Franck Ribéry, Nabila, Jean-Louis Murat, Roberto Galland. Qui, parmi ces personnalités, aurait pu prononcer cette phrase « Il ne faut pas décourager les gens qui se sentent imparfaits ». Procédons par élimination. Je pense que je vais retirer Franck Ribéry. Vous avoir vraiment très très très bien raison. Franck Ribéry, on l'enlève. Je pense que Roberto aussi ne fait pas partie de... Roberto. C'est ça ? Non, Roberto. C'est Mustapha Galland. Roberto, non. Non, non, non. On l'enlève. Il reste Nabila, Charles Michel ou Jean-Louis Murat. Je pense que Nabila serait plutôt capable à dire des choses pareilles, même si... Mais faites attention, Nabila est capable aussi de vous mettre un couteau dans le dos. Donc je serai vous, je réfléchirai deux fois. Ah oui. Je dis ça, je dis rien. Non, choisissons plutôt alors Michel, Charles Michel. On lui met deux couteaux dans le dos. Alors laissez-moi vous dire. Couteau dans le dos. On peut quand même pas tout lui mettre sur le dos. Sur le dos non plus. Non. Le pauvre. Bon, alors il reste qui? Il a déjà oublié son nom. Il reste Jean-Marie Bigard. Il en reste un. Non, ça sera Jean-Louis Murat alors. Bah, ça fait Jean-Louis Murat, effectivement. Jean-Louis Murat, qui à l'occasion de la sortie de son nouvel album Morituri, a fait une belle petite interview, bien farfelue, hein, dans le soir du jour. Je vous invite à lire d'ailleurs Jean-Louis Murat qui sonde le sombre air du temps. Album qui est sorti, 16e album solo, inspiré par les événements dramatiques, les attentats 2015 et l'ambiance d'inquiétude qui sont installés en France sans qu'il en soit jamais directement fait mention. Tiens, petit extrait de Jean-Louis Murat, Nuit sur l'Himalaya. Comment va l'amour, comment va le temps, la chose à rebours, comment les enfants. Ah oui, Jean-Louis Murat qui déclare ne pas connaître la page blanche, se foutre de l'image projetée de lui-même. Il a l'impression d'avoir été cocufié, dit-il, par la musique qu'il aime par-dessus tout depuis qu'il est adolescent. Il aurait donné sa vie pour un riff des Rolling Stones. Voilà, il ne leur offrait pas, la musique ne portait pas les valeurs de partage. C'est ce qu'il déclare dans les colonnes du soir et une interview que je vous invite donc à lire. Et c'est donc gagné, mon cher Emmanuel, à la sueur du front. Hein, on y a été, à fond. Hein. On repartait avec Seventh Wonders Duel de chez Repo Productions, que nous vous envoyons très rapidement du côté d'Arlon. Restez-nous fidèles, restez presque sérieux, Emmanuel. Merci, c'est bien gentil. Je vous en prie. C'est la maison qui rigole. C'est comme ça. Et tiens, dans la suite, on continue. Bonjour à Tatili. Et on continue à vous régaler. Tiens, faites comme Emmanuel. Vous vous inscrivez pour le presque jeu des dictionnaires. On vous offre un abonnement. 3 spectacles valables au théâtre de Poche. Le Poche, ce lieu de spectacle, de fête, de discussion, un lieu convivial auquel on vous invite donc avec cet abonnement. 3 spectacles pour la saison 2016-2017. Mais oui, je tiens à dire que hier, pas plus tard que hier soir, j'étais en discussion avec le directeur du Poche et sachez qu'il se propose de venir présenter la prochaine saison chez vous, avec un plateau de fromage qu'il amène. Eh, vous nous avez fait une Sophie Favier, là, ouais, c'est bien. Pas mal, hein. Et donc, voilà. Un plateau de fromage. Ouais, vous amenez 10-15 potes, il vient présenter la saison, et il amène le plateau de fromage. Sympa. Hein. Eh ben, c'est chouette. C'est classe, ça. Eh ben, on va l'inviter, tiens. La saison 2016. Olivier Blin, un garçon charmant. 2017. On vous y invite à un abonnement. Donc, 3 spectacles valables au théâtre de Poche. Vous inscrivez en envoyant CPS au 6031 avec vos coordonnées complètes, 75 centimes le message. On jouera dans un instant avec un mot extrait du quotidien qui fait référence à l'actualité. À votre avis, quelle est la bonne définition? Ce sera à vous de le déterminer en vous inscrivant. En attendant, place aux bonnes nouvelles. Elles sont signées Jean-Jacques Jespers. Quel est votre prénom? Pascal. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Nettoyage industriel. Vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer. On vous écoute. J'essaye d'avoir un 4e enfant avec ma petite femme, que j'adore énormément. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin du monde. Et pourtant, Jean-Jacques Jespers a encore pu exhumer quelques bonnes nouvelles, sans doute les dernières avant l'apocalypse. Oui, comme disaient nos excellents prédécesseurs de Radio Titanic, hier la situation était grave mais pas désespérée. Aujourd'hui la situation est désespérée mais ce n'est pas grave. C'est vrai, quoi. À quoi ça sert de s'en faire? Impossible d'empêcher la fin du monde. Donc nous n'avons plus qu'à nous résigner, à rester zen. quand le ciel nous tombe sur la tête, quand Jean-Luc Cruc, que le grand Cruc me croque, bloque les zonings avec ses gros camions, quand on apprend que la Wallonie est eunuque, quand les frères Abdeslam buvaient de l'alcool et jouaient au poker alors que c'est strictement haram, que même les incorruptibles dirigeants de l'Union belge et de la Pro League se font perquisitionner, et quand on apprend que PPDA va commenter l'Homme Gang, que faire ? Sinon s'asseoir pour boire une dernière tasse de café et attendre sereinement que tout pète une bonne fois pour toutes. Cela dit, il n'est pas interdit de relever quelques indices qui permettraient quand même de croire que la fin du monde, ce n'est pas encore tout à fait pour aujourd'hui. Tenez par exemple les grèves de chemin de fer. Au fond, c'est très positif. C'est une excellente façon d'assurer la sécurité absolue du rail. C'est vrai. À peine les cheminots reprennent-ils le travail que boum, trois morts à Saint-Georges-sur-Meuse. C'est vrai. De même, les grèves des techs, c'est une excellente manière de lutter contre la pollution aux particules fines. C'est bien plus efficace de faire la grève des techs que de s'en prendre aux pauvres constructeurs automobiles obligés de mentir sur le niveau de pollution de leur bagnole pour pouvoir continuer à en vendre. Voilà. Ouais, toujours voir le côté positif des choses, toujours. Et ce ne sont pas les seules bonnes nouvelles. Ainsi, le vice-président du Front National, Florian Philippot, est d'accord avec le Dalai Lama. Ouais, Non. Je ne sais pas. Que deux humanistes de cette envergure soient sur la même longueur d'onde, il y a de quoi se réjouir. D'une part, le dirigeant d'un parti qui défend les vraies valeurs. Et d'autre part, la 14e réincarnation d'Avalokiteshvara, le bodhisattva de la compassion. Et le bodhisattva, oui, le bodhisattva. J'aime encore bien un beau bodhisattva. Il était écrit dans les astres que ces deux penseurs renommés devaient se retrouver pour estimer, je cite, qu'il y a trop de migrants en Europe et que l'Allemagne ne peut pas devenir un pays arabe, même si la majorité écrasante des immigrés en Allemagne sont turcs. Je rappelle qu'en tibétain, Dalai Lama signifie « océan de sagesse ». Autre bonne nouvelle, un enfant pauvre a plus de chances de bien réussir ses études qu'un enfant riche. En effet, une étude britannique vient de montrer que les élèves apprennent mieux s'ils ne portent pas de chaussures. Hey. La découverte des scientifiques britanniques a été accueillie avec consternation par Sebago, mais elle contredit de façon éclatante les élucubrations des Bourdieu et autres sociologues nihilistes qui disaient que l'école reproduit les inégalités de classe. De plus, cette information confirme une des thèses favorites du Dalai Lama. À pieds nus, on est plus apte à suivre la voie de la sagesse. Autre bonne nouvelle, si vous ne voulez pas mourir prématurément, c'est très simple. Il suffit de ne pas consulter de médecin. C'est mon cas. En effet, une autre étude scientifique américaine, cette fois de la Johns Hopkins University School of Medicine, s'il vous plaît, indique donc que la troisième cause de mortalité après le cancer et les maladies vasculaires, c'est l'erreur médicale. Vous avez donc intérêt, vous avez tout intérêt à vous soigner vous-même en étant attentif à votre moi profond, en faisant confiance au message de votre corps, encore une intuition géniale du Dalai Lama que la science vient confirmer. Enfin, une dernière bonne nouvelle, et ça c'est vraiment une découverte, les politiques français ont de l'humour. Sur le site Huffington Post, on trouve les phrases dénominées au récent prix Humour et Politique. Par exemple, Michel Sapin, ministre des Finances, « Une croissance nulle conforte nos objectifs en matière de croissance ». Bien. Ou encore Ségolène Royal, « L'égalité homme-femme est une condition indispensable à la lutte contre le réchauffement climatique ». Ouais, c'est bien, mais c'est quand même moins bien que la petite phrase d'Herman de Croo il y a 40 ans quand il était ministre de l'Éducation nationale. Les enseignants manifestaient devant son cabinet et criaient « De Croo, salaud, le peuple aura ta peau !» Et Herman de Croo de murmurer « Heureusement que je ne m'appelle pas Bertouille ». Merci Jean-Jacques, j'espère. Dans la suite, eh bien, on joue avec l'un ou l'une d'entre vous, le presque jeu des dictionnaires, avec un mot qui fait référence à une actualité. À vous de déterminer la bonne définition qui vous sera faite par nos chroniqueurs du jour et à vous également de déterminer pourquoi on a choisi ce mot. Ce sera dans la suite. Une presque star également au programme, ou presque, hein, parce que on m'a laissé entendre que peut-être elle ne répondrait pas parce qu'elle travaille. Alors de qui s'agit-il ? Restez sur la première pour une travailleuse, monsieur. C'est presque sérieux sur la première. Walid, jusqu'à 17h30. C'est presque sérieux sur la première. Ce mot en rapport avec l'actu du jour. Oui, c'est le presque jeu d'édico, c'est parti. Ce mot, c'est agiotage. Que signifie-t-il ? Eh bien, c'est les questions que nous posons sans plus attendre à Kevin. Bonjour Kevin. Oui, bonjour Walid. Vous nous venez de bonjour Namur. Vous venez de Namur, bonjour, c'est bien bonjour. Ça ? Oui, c'est bien ça, oui. Et vous êtes consultant environnement ? Exactement, oui. C'est-à-dire, vous consultez l'environnement ? Oui, j'aide les entreprises dans la réglementation d'environnement, notamment, et mieux gérer l'environnement. Oui, ça se passe comment ? Plutôt bien, oui. Ah. Les gens sont plutôt réceptifs en général, donc c'est une bonne chose. C'est ça, c'est une bonne chose. Ils sont d'abord réceptifs, mais après, quand il faut mettre... Quand il faut passer la... À l'acte. Il faut mettre la main à la pâte. C'est plus difficile. C'est Kevin, agiotage. Oui. C'est le mot du jour qui fait référence également à une information. À vous déterminer parmi nos chroniqueurs qui a la bonne définition. Raoul Reyers, agiotage. L'agiotage est la harangue du ferrailleur qui sillonne les rues de votre quartier avec sa camionnette pourrie et un haut-parleur sur le toit. Et qui hurle dans toute la rue, vieux fer, vieux cuivre, vieille batterie, vieille martinette. Alors les ménagères, profitez de mon passage. Donc vous avez ça aussi. C'est la harangue. Oui, c'est ça, la harangue. Ouais, hein, le moi, message. J'ai ça pour le cirque. Mesdames, messieurs, le cirque, ça prend... On comprend rien du tout. C'est très bien. C'est beaucoup mieux que vos imitations de Nicolas Sarkozy, vraiment. Si je puis me permettre. Non. Mesdames, messieurs, laissez-moi vous dire. Vincent Flibussier, agiotage. Eh bien, c'est quand on braque une banque et que l'otage refuse d'ouvrir le coffre, on crie « Allez, agiotage !» C'est ça. C'est un terme qui est plus très utilisé parce que les braquages de banque ont un peu changé, les coffres sont électroniques, tout ça. Braquage de banque, bien joué Vincent. On va poser la même question à Jean-Jacques Jespers, l'agiotage. Vous allez rire. Dites-moi. L'agiotage, c'est l'action de spéculer frauduleusement en bourse, notamment sur les changes, les fonds publics, les valeurs mobilières. Mais c'est très rare. Moi, ça n'arrive plus maintenant, la spéculation. Edgar Schotz, agiotage. L'agiotage, mais non, c'est pas du tout ça. Ça désigne le suicide provoqué par une surexposition médiatique aux informations concernant les diables rouges. L'agiotage. Ça va beaucoup monter ce temps-ci. Ok. Mmh. Et enfin, David Watley, l'agiotage. Pas du tout, c'est le fait d'ouvrir le dictionnaire et de commencer à la lettre A pour préparer un jeu, car c'est déjà la deuxième définition par A de la semaine. Merci. Et donc, on va poser la question à Kevin. Il y a un piège. Kevin, agiotage. Alors, est-ce que c'est le fait d'haranguer? Est-ce que c'est le fait de braquer la spéculation, le suicide ou d'ouvrir le dictionnaire? Alors, j'hésite en fait entre haranguer et la spéculation. Je dirais plutôt la spéculation. Vous dites la spéculation. Pour quelles raisons on pourrait utiliser aujourd'hui le mot agiotage? C'est ce que tout le monde se dit au ministère, hein, pour le moment. Alors je vais vous aider, c'est le ministre des Finances Johan Van Wortveld qui remet en cause cette nouvelle taxe sur la spéculation contournée de diverses manières par les épargnants, prenant ainsi donc des allures de fiasco. Au lieu donc de gagner de l'argent, l'État en perd. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est pourquoi la taxe sur la spéculation est un échec. 5 mois à peine après son entrée en vigueur, eh bien cette nouvelle taxe sur la spéculation ne remplit pas les caisses de l'État. Le ministre des Finances le dit lui-même, la taxe ne rapporte pas les recettes escomptées par le gouvernement, c'est-à-dire 34 millions d'euros par an. Peanuts. Ce qui était déjà pas grand-chose. Voilà. Donc c'est gagné, mon cher Kevin. Encore raté. Vous repartez avec un abonnement, 3 spectacles valables au Théâtre de Poche. Vous aurez l'occasion donc de choisir parmi bien 3 spectacles pour la saison 2016-2017. Restez-nous fidèles, restez presque sérieux. Ça marche, sans problème. Avec plaisir, en tout cas, c'est toujours avec plaisir qu'on vous écoute, vous et votre bonne humeur. Eh bien, ça nous fait plaisir. Voilà, c'est communicatif. Sincère, ça vient du blues, comme disait Johnny. À 16h52, eh bien, on va s'intéresser à une presque star. Mais qui est-elle, cette presque star? Car oui, il s'agit d'une femme. C'est presque sérieux, sur la première. Et elle s'appelle Tania. Pour quelle raison on parle de Tania dans la presse? À vous de le déterminer. Bonjour Tania. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Alors, Tania, on parle de vous dans la presse. Alors, déjà, pour quelle raison? C'est qu'elle est néerlandophone. Ah, vous avez l'oreille, c'est parti. 1 minute 30 pour le découvrir et on s'intéressera à Tania dans un instant. Vous me posez les questions, je ne réponds que par oui ou par non. Et vous faites quoi, Tania, finalement? Attention. Est-ce que Tania a un rapport avec les Diables Rouges? Tania a un rapport avec les Diables Rouges? Absolument pas. Avec chacun des Absolument pas. Est-ce qu'elle fait de la fraude fiscale? Enfin, de la fraude fiscale, non. Est-ce qu'elle fait de la publicité? Elle est dans le sport? Non. Est-ce qu'elle est un petit peu dans l'actu? Elle est dans l'actu, oui. Dans beaucoup. Une actu qu'on a tous entendu. Ah oui, alors là, c'est pas qu'on l'a tous entendu, c'est que c'est pas les Diables Rouges. On c'est l'a tartiné de chez tartiné cette actu. Tartori. Non, c'est pas la tartori. C'est en Belgique. C'est en Belgique. Les inondations. Les inondations, David Watley, absolument pas. Ben non, je m'en souviens. Bah, il y a pas eu d'inondation en Flandre, donc c'est pas ça. Non, c'était pas ça. Donc, je sais pas moi, elle est dans l'enseignement. Elle est dans l'enseignement, Jean-Jacques Jespers. Je vais vous dire non. Elle est dans le panda. Elle est dans le panda, oui. Elle est à l'intérieur d'un panda, non. Mais elle est soigneuse. Elle est soigneuse, vous dites soigneuse. Vétérinaire. Elle est soigneuse, effectivement. Bravo à l'équipe. Tania, qui est donc la soigneuse du bébé panda de Perry Daiza. Tout le monde s'en souvient, dans la nuit du 2 juin, naissance du petit panda mâle qui n'a pas encore de nom dans cette petite grotte. D'ailleurs, où vous travaillez, c'est la raison pour laquelle on se demandait... On vous entend mal. Si vous étiez apte à répondre ou pas. La grotte, c'est donc le nom de l'endroit intérieur où passent une bonne partie de la journée ces fameux pandas, n'est-ce pas, Tania ? Bonjour. Oui, bonjour. Alors, ce petit bébé panda qui pesait donc 224 grammes, c'est bien ça ? Aujourd'hui, il a pris un peu, alors c'est 245 grammes. Ah, 245 grammes. Donc, il faut attendre combien de temps ? 100 jours, c'est bien ça, avant de se dire qu'il va ou non rester parmi nous ? Oui, on dit 90 jours, mais tout se passe très bien en ce moment, alors il y a bon espoir. Alors, comment ça s'est passé ? Puisque, bon, vous êtes vétérinaire, vous soignez ces pandas, on le sait tous, pour être vétérinaire et soigner un panda, ça ne court pas les rues. Vous avez suivi une formation, vous êtes parti en Chine ? Oui, mais seulement je ne suis pas vétérinaire, je suis soigneur, oui. Mais j'ai fait une formation en Chine. Oui. Et j'étais là l'année passée pour passer du temps dans le centre d'élevage pour apprendre pour l'élevage à la main des bébés éventuellement et aussi pour voir le comportement des mamans et du bébé. Et donc vous avez suivi une formation dans l'accouchement des pandas. Ça se passe comment une formation d'accouchement de pandas ? Vous arrivez, on vous dit attention, le panda est sur la table, poussez madame, ça arrive. Comment ça se passe ? Non, ben, en Chine, ils ont toujours beaucoup de petits bébés, alors c'est très intéressant. Il faut surtout observer et aussi l'apprentissage pour éventuellement, s'il faut lui donner le biberon. Mmh. Est-ce qu'il faut aider la femelle panda à mettre bas ou pas du tout ? Vous laissez faire et puis vous récupérez le bébé pour éviter un risque ? Non, ça se passe tout seul. En fait, la maman, elle le fait tout seul. Et pourquoi la formation, alors si elle fait tout seul? Oui, ça va très, très vite. Et on n'a pas aidé, ça va très vite. Hein, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on attend 100 jours pour donner un prénom à ce panda? Parce qu'en Chine, c'est une habitude qu'on ne va pas nommer un petit bébé avant les 90 jours sont passés. Mais vous avez déjà une idée de prénom ou pas encore? Pas encore. Et on sait qui va le donner ce prénom? Ou c'est qui choisit? C'est la Chine, si j'ai bien lu. Elio Elio. C'est entre la Chine et la Belgique, on va donner des noms et la Chine aussi, comme ça on va choisir. Alors on tire au sort, Vincent. Et le papa a pu voir le bébé ou pas? Non. Non, il ne peut pas voir le bébé, le papa? Non, mais il ne sait pas, il n'est pas intéressé. Il s'en fout, hein. C'est ce qu'on dit toujours. Ouais, il s'en fout. Préfère aller voir le match. Et boire des bières. On connaît bien, ils sont bien connus, ces pandas. Merci en tout cas à vous, Tania. Vous êtes soigneuse à Paris Daiza et c'est vous qui soignez ce petit bébé panda qui aura donc un prénom d'ici quelques jours. Et si ça se passe, c'est bien, c'est la première qui vous le dira. Merci à vous, Tania. Fayo. Restez sur la première. On reste presque sérieux avec toute la bande qui vous accompagne en ce mercredi. Restez avec nous. Dans la suite, on s'intéresse toujours à l'actualité. On s'informe dans quelques minutes. À tout. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux avec Walid. À la question que tout le monde se pose, hein, à quelques jours de l'euro maintenant, à quelques jours de voir les Diables Rouges entamer leur aventure européenne, quel est le Diable Rouge qui marquera le premier but des Diables dans cette phase finale ? Alors, à votre avis ? Moi, je ne me pose pas cette question. Kevin De Bruyne. Je déteste qu'on dise que tout le monde se pose cette question. excusez-moi, je dis à un moment donné... Au revoir. Au revoir. Vous ne posez pas la question ? Non, absolument pas. Je ne m'intéresse absolument pas à cette question. Et au foot ? Ni au foot, et je trouve que c'est abusif de dire que tout le monde s'y intéresse. Vous avez raison, Jean-Jacques. Oui, c'est vrai, moi je suis du côté de Jean-Jacques. Parce que cherche. Et c'est quoi, vous avez décidé de mener la fronde ouais, ou quoi? En fait, à cette table, je crois qu'on est majoritaire d'en avoir rien. Moi, les gars, je ne m'intéresse pas du tout au foot, mais j'ai décidé de parier de l'argent sur les matchs. Comme ça, du coup, on s'y intéresse. Je vous le conseille, comme non, ça, il y a un enjeu. C'est une manière d'intéresser le jeu. Moi, j'aurais dit ciment, parce que j'ai entendu que ce garçon avait marqué son premier but. Oui, c'est ça, c'est ça. En tout cas, vous l'avez c'est entendu. Du béton. Ils sont tous autour de la table. Et ils n'ont pas envie de répondre à cette question. Les pages sport dessus de presse. David Watley, je collectionne les petits. Pas pour moi, mais pour un gamin. Les autocollants Panini. Oui. File-les-en moi pour mes enfants. C'est vrai. Bah oui, oui. Et Raoul Reyer, c'est là. Il y a Vincent Flibussier qui nous raconte des histoires. Il y a Jean-Jacques Jespers, vous l'avez entendu, qui n'est pas content qu'on se pose des questions. Et une question en rapport avec l'histoire que voici. C'est presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça. Hey Houston, on a un problème ici. Rendez-vous avec l'histoire tous les jours de la semaine entre 16h30 et entre 14h30 et entre 13h30 et 14h30, je vais y arriver. Vous pouvez prendre à 14h. Oui, hein, si vous voulez, mais en tout cas, vous aurez raté un petit moment. 60 minutes autour de l'histoire et une question que tout le monde se pose aujourd'hui en rapport avec le 8 juin, où tout le monde devrait se poser. Jean-Jacques Jespers, écoutez la question que voici. Né un 8 juin, je suis un et tout est en moi. C'est la formule qui résume toute mon œuvre. Je suis par ailleurs la première à y faire mon entrée. Qui suis-je ? Alors, bonjour. Parce que je suis un, moi je pensais à Attila. Mais... Oui, c'est ça. Non, je suis un et tout est en moi. Est-ce que c'est un nombre premier ? Non, non, c'est pas un nombre premier. C'est la formule qui résume une œuvre, l'œuvre de quelqu'un qui a fait son entrée quelque part et c'était une la femme. Première. C'est une femme. Marguerite à l'Académie, Ursona. Vous dites Marguerite Yourcenar. Effectivement, en ce 8 juin, on célèbre la naissance de Marguerite Kleinwerk de Crayoncourt. Kleinwerk de Crayoncourt. Voilà, écrivain français, belge, né à Bruxelles. C'est vrai que Yourcenar, hein. C'est mieux. Voilà, et Yourcenar, c'est juste un anagramme. C'est un anagramme, presque anagramme, hein, parce qu'elle a fait retirer le C. Et c'était en... Oui, elle a fait retirer le un C. Un C. Le dernier, en l'occurrence. Donc, pourquoi pas le premier ? Parce que voilà la question que tout le monde se pose. Il y a qu'un seul C, donc... Je voudrais pas dire, mais ils arrêtent pas de vous embêter. Hein. Je voudrais pas faire le faillot et tout ça, mais ils n'arrêtent pas. Toi, ta gueule. Marguerite Yourcenar, née d'une mère belge qu'elle perd donc à la naissance, Marguerite de Crayoncourt, élevée par son père, anticonformiste, grand voyageur et très très très très cultivé. D'ailleurs, c'était une des premières à lutter contre l'homophobie. Non, les animaux, enfin la maltraitance des animaux. C'est elle qui a envoyé une lettre à Brigitte Bardot à l'époque pour lui dire fais attention, il y a des bébés phoques qu'on agresse. Et alors, hop, Brigitte Bardot. Quel est le lien avec le fait ça, je voudrais voir cette lettre de Marguerite Yourcenar. Ça doit être terrible. Dis Brigitte, si tu me lis, sache qu'il y a des animaux en péril. Elle était végétarienne, Marguerite Yourcenar, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, voilà, comme ça, vous savez tout sur sa vie, son œuvre. Et donc, effectivement, c'était la première à avoir fait son entrée à l'Académie française. C'est vrai qu'il a un très beau manteau, enfin. Donc voilà, on a appris des choses dans cette émission. Happy birthday, Marguerite, puisqu'elle est enterrée aux États-Unis maintenant. C'est vraiment ça. Non, je vous promets, en plus, c'est vrai. En attendant, avant les histoires de Vincent Flibussier, place au Pendant ce temps-là du jour. C'est parti. Pendant ce temps-là. C'est presque sérieux. Et pendant ce temps-là, un préavis de grève de 2 semaines en juin à la SNCB. Mais ce qui reviendra à dire qu'il y aura un préavis de travail de 2 semaines. Restez un peu positif, Walid. Et pendant ce temps-là, le président français, François Hollande, se passera des propositions de service de Zlatan Ibrahimovic, qui a déclaré pouvoir rendre populaire le chef de l'État. Et s'il n'en veut pas, qu'il ne dégoûte pas les autres, nous on en veut bien. Hein. Et pendant ce temps-là, fatigué d'être célibataire, le prince Harry serait prêt à employer les grands moyens pour trouver l'amour. Ah oui, la fameuse méthode pif, paf, pouf. Et pendant ce temps-là, c'est la semaine des experts. Ah non, ça on ne rembourse pas. Non, non, enfin, ça peut être, mais ça m'étonnerait. Les experts en assurance. On ne rêvait pas, hein, madame. Votre machine à laver, on ne vous la rembourse pas. Hein. Bientôt, près de chez vous. Et pendant ce temps-là, elle rentre dans l'histoire, une première femme investie aux États-Unis. Il s'agit bien entendu d'Hillary Clinton. Mais pourtant, il y avait déjà eu Monica l'investie. Vous êtes devenu fou. Vous avez honte. Le service public se retourne dans sa tombe. Non, mais il faut user de toutes les formes possibles et imaginables de l'humour. Et je pense que voilà, ça fait. Il y a des moments où on brainstorm et on brainstorm à voix haute et tout passe roule. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de filtre en fait. Ah non, mais il y a vraiment mais pas de filtre. Mais les gens aiment bien. Mais c'est ça, on s'abuse. Ouais. Et il râle encore. Regardez-moi ça. Alors, tout le monde se pose une question. Quelle est l'histoire vraie du jour? Vincent Flibustier, c'est parti, on vous écoute. Eh bien, vu qu'on est en plein ramadan, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de religion, mais vu que je tiens à la vie, je ne parlerai pas d'islam, ni de judaïsme, je tiens à ma carrière, mais bien de pastafarisme. Vous voyez cette religion, ah, on admire le monstre volant, où on porte une passoire sur la tête et où on fêtera en juillet prochain le ramendan. C'est comme le ramadan, mais où on mange plein de pâtes ramen lyophilisées. Mais les pastafaristes fêtent aussi ce qu'on appelle le baptême spaghetti, qui consiste à baptiser son enfant dans une eau bouillante avec une pincée de sel. Heureusement, c'est pas pratiqué. C'est une blague. Blague, hein ? Malheureusement, quelqu'un a essayé la semaine dernière et il s'agit donc de la première personne incarcérée pour radicalisation pastafarienne. Comme quoi, on trouve des fous partout. L'enfant n'a rien, ça va. Enfin, une petite brûlure quand même. Ouais. Pastafarisme, donc, c'est la première histoire. Vincent Flibustier, la seconde histoire, on l'attend. Nous sommes en 2012. Un miracle vient de se produire en Inde. De l'eau coule d'une statue de Jésus-Christ installée dans une église de Bombay. Rapidement, les catholiques de Bombay viennent en pèlerinage à la statue, récoltent l'eau qui coule de son orteil, boivent l'eau miraculeuse. Tout le monde fête la statue miracle. L'évêché charge alors un expert de voir d'où vient cette eau. Pendant ce temps-là, des centaines de croyants continuent à récolter l'eau, la boivent. L'expert finit par rendre son rapport. L'eau s'écoule depuis un mur à l'arrière à cause de la récente installation d'un tuyau d'évacuation des toilettes. Je vous laisse donc imaginer la composition de l'eau miracle. C'était donc pas un miracle, mais un problème de plomberie. L'eau miracle ou le pastafarisme, deux histoires. L'une d'entre elles est vraie. Oui, mais laquelle? David Watley. J'ai envie de croire la version indienne. Oui. La deuxième histoire. Edgar Schatz. J'ai pas envie d'y croire, mais je crois que c'est celle-là. La seconde également. On va poser la question à Jean-Jacques Jespers. Comme Edgar. Comme Edgar, c'est-à-dire que... Toujours. La même chose. La même chose. C'est-à-dire qu'il s'en fout du football. L'eau miracle et Raoul Reyers. Le pastafarisme. Le pastafarisme. Alors, trois eaux miracles et une pastafarisme pour la 4, s'il vous plaît. Vincent Flibustier. L'histoire vraie du jour, c'est la première ou la seconde? Eh bien oui, ce sont bien les catholiques indiens qui ont bu de l'eau sortie des toilettes pendant des semaines. Et c'est encore plus dingue parce que l'expert qui était chargé d'analyser le miracle a ensuite été attaqué pour blasphème vu qu'il aurait critiqué le catholicisme. Il a dû fuir vers la Finlande pour éviter d'être emprisonné puisque le blasphème est un crime en Inde. S'il avait su, il aurait mieux fait de dire « Ah bah oui, c'est un miracle hein !» et laisser les croyants continuer à boire l'eau des toilettes. En même temps, l'eau là-bas... Ah ouais. Oui, donc faut imaginer l'eau en plus. Toilettes, ça fait quelque chose. Tiens, et si on allait faire un tour du côté de Verviers dans la suite? Ah, Verviers, Verviers, son... Verviers. Son Vauchon. C'est le Vauchon. Oui, c'est bon ça. Délicieux. Mais tout fout le camp, monsieur. Gâteau de Verviers. Vous savez que c'est une de mes spécialités. Mais j'attends de voir, La tartorie verviétoise, on va en parler, tiens, dans la suite. Ça fait polémique. Et l'AFSCA s'en prend justement à ces tartories verviétoises. Pour en savoir plus, c'est bien rester sur la première. On en parle juste après ceci. On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est la merde. La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. Ah tiens, je viens de tomber sur un tweet qui me fait bien marrer, et signé Olivier, qui dit et qui parle d'un magasin de cigarettes électroniques du côté de Hatt, qui s'appelle, attention, roulement de tambour, Roboclop. Après, ça bête, mais voilà, ça avait le mérite d'être souligné. En attendant, ne pensez pas en faire tout un fromage, mais après le HERV, la nouvelle cible de l'Agence fédérale de sécurité de contrôle de la chaîne alimentaire semble avoir pris la tartorie en grippe, un sujet qui ne pouvait pas vous laisser de glace, Edgar. En amateur éclairé de littérature et d'histoire des camps de concentration que vous êtes, mon cher Walid, vous connaissez bien entendu par cœur le célèbre texte du pasteur allemand Martin Niemöller, arrêté par les nazis et enfermé dans les camps de Sachsenhausen et Dachau, puis libéré en 1945. « Quand ils sont venus chercher les socialistes, je n'ai rien dit. » parce que je n'étais pas socialiste. Alors ils sont venus chercher les syndicalistes et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas syndicaliste. Puis ils sont venus chercher les juifs et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Enfin, ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne pour me défendre. C'est à ça que j'ai pensé en me réveillant ce matin et en entendant les visées renouvelées de l'AFSCA contre les produits du terroir wallon. Et c'est là, trop tard peut-être, mais juste à temps j'espère, que j'ai décidé de ne plus rester silencieux face à la bête immonde qui redresse la tête une fois de plus contre la barbarie alimentaire et les risques qu'elle fait courir à nos préférences. J'ai décidé de tremper ma plume dans l'Orval et le sirop de Liège pour rédiger mon No Passaran à moi. Quand ils sont venus chercher le fromage de Herve, je n'ai rien dit, parce que je n'aime pas le fromage de Herve. Alors ils sont venus chercher le boulet sauce lapin, et je n'ai rien dit, parce que je n'aime pas le boulet sauce lapin. Puis ils sont venus chercher la tarte au riz, et je n'ai rien dit, parce que je n'aime pas la tarte au riz. Enfin, quand ils sont venus chercher ma chimée bleue, il n'y avait plus personne pour me défendre. Mais heureusement, le verre était déjà vide. Non, mais sérieusement, qu'est-ce qu'ils ont contre la région de Hervé-Verviers à l'Afskar? Raoul, vous leur avez fait quelque chose? Mais non, c'est non. C'est Pierre-Yves Violet, à mon avis. Vous êtes moqué d'eux dans un de vos titres. Peut-être. Vous avez tenté de les empoisonner lors d'un souper plein de chats. C'est possible. En tout cas, ce qui est génial, c'est que Hervé, je viens de vérifier sur Google Maps, c'est à exactement 43 km de Tihange et que l'essentiel des efforts gouvernementaux qui sont déployés dans la région en matière de sécurité concerne la sécurité alimentaire plus que nucléaire. Alors, c'est sûr qu'on n'a encore jamais vu un nuage de tarte au riz s'arrêter aux frontières, mais de là à y voir un danger sanitaire de premier ordre, j'ai quand même un doute. Enfin, ceci dit, je ne voudrais pas que cette remarque incite les boulangers de la région à mettre de l'iode dans les tartes au riz. À titre personnel, et quitte à me fâcher définitivement avec Raoul, je trouve qu'elles sont déjà largement assez dégueulasses comme ça. Oh, pas celle au macaron. Il y a des balades, là. Non, mais vous imaginez les funérailles de tonton Anatole, verviétois de son état, mort un peu prématurément à 58 ans. Mais il est mort de quoi, au fond ? Ouais, tu connais Anatole, hein, c'est une tête brûlée, il n'a jamais voulu écouter les avertissements. Jusqu'au dernier jour, il a continué comme si de rien n'était, à s'enfiler son quartier de tarte au riz quotidien. Et à un moment, le corps dit stop. Et en fait, si on s'en tient au récit médiatique, on pourrait avoir l'impression qu'à Verviers, on ne produit que deux trucs, des djihadistes et des tartes au riz, et que l'État a décidé d'employer à peu près les mêmes moyens pour se débarrasser des uns et des autres. Ceci dit, et Raoul, je vous prie de vous boucher les oreilles, il ne faudrait quand même pas me pousser beaucoup pour que je vous dise que d'après moi, les tartes au riz, ce sont vraiment les Salah Abdeslam de la pâtisserie. Raoul Reers, vous en pensez quoi, tiens? Mais j'aime bien la tarte au riz, mais il ne faut pas en abuser, effectivement. Voilà, ça reste sur l'estomac. Tout, hein. C'est vrai que l'Afska s'attaque à tout pour le moment. Ouais, c'est phénoménal. Alors que les fast-food, là, on les laisse tranquilles, les fast-food. On les attaque pas. Ils sont quand même contrôlés. Hein. Ouais, mais bon, par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur, je suis désolé, mais. Ça dépend des endroits. Mais c'est vrai que l'AFSCA, pour le coup, elle a été créée après le scandale de la dioxine, mais c'est pas spécialement en allant embêter la tartorie et les petits restaurants. On se demande, est-ce que l'AFSCA a vraiment déjà sauvé des vies? Écoutez, c'est une question que tout le monde se pose. Si votre vie a été sauvée par l'AFSCA, n'hésitez pas à témoigner. Témoignez. Et à 17h25, on passe au presque mot de la fin. Cette conversation est terminée. Soir première dans un instant avec Pierre-Yves Meugens. Le temps pour nous bien de faire un petit tour de table avec un mot que vous allez nous proposer. Un mot relatif à l'actualité que vous avez retenu pour nous aujourd'hui. Raoul. Poubelle. Pourquoi ? Parce que pour le ramassage des poubelles, la CGSP veut étendre la grève à toute la Wallonie. Ah oui. Mon conseil, profitez des inondations. Vincent Fibussier, presque au mot de la fin. Eh bien, c'est RTL Info qui demande à ses lecteurs si, à leur avis, le ramadan est compatible avec une société laïque. Je me demande aussi si le message de Noël du roi est compatible avec une société laïque. Mais bon, on est sur une radio qui diffuse la messe, donc je n'oserais pas m'avancer. Est-ce que Bell RTL est compatible avec une société démocratique? Edgar Schatz, presque au mot de la fin. Mais c'est inversion, et peut-être que Jean-Jacques pourra m'aider, mais il y a une phrase célèbre en journalisme qui dit que les trains qui arrivent à l'heure, ça n'est pas de l'information. Et quand je dis que c'est une phrase célèbre, je ne sais pas si elle a un auteur. Non, elle n'a pas d'auteur reconnu en tout cas. Eh bien, toujours est-il que j'y ai pensé tout à l'heure pendant le flash de 16h30, quand Marie Van Kutsem nous a annoncé que peut-être il n'y aurait pas de grève des trains dans les deux semaines qui viennent. Donc il semble que désormais ce soit ça l'info, c'est l'absence de grève. Voilà, alors. Oui, il y a une phrase quand même très intéressante d'un grand magnat de la presse américaine qui s'appelait William Randolph Hearst qui disait l'information c'est ce qu'on nous cache, si on nous le dit, c'est de la publicité. Eh ben voilà. Et David Watley, ce sera Caval, en fait, un vieux fugitif a été de 71 ans et vient d'être rattrapé par la justice américaine après. Pas vite, il courait plus 50 vite. Ans de cavale, c'est quand même pas mal. Ah bah merci David Watley, merci Edgar Schatz, merci Jean-Jacques Espers, merci Vincent Fébizé, merci Raoul Reyers. Merci Walid. Vive la tartorie verviétoise, vive vous qui nous écoutez. Je suis tartorie, je suis la première, je suis content car demain on sera de retour entre 16h et 17h30. Une fois de plus, l'actualité au menu, d'autres beaux esprits pour égratigner cette actualité avec énormément d'impertinence. D'ici là, portez-vous bien, passez une belle fin d'après-midi à l'écoute de la première avec le soleil qui vous accompagne, et Pierre-Yves Meugens qui sera à vos côtés dans un instant pour vous informer sérieusement cette fois-ci. Rendez-vous sur la première dans un instant avec Soir Première. À demain.